Intermède premier. Nora Vanstone à Mr. Pendrill. Westmoreland House, Kensington, le 14 août 1846. Cher Monsieur Pendrill, la date de cette lettre vous prouvera que, de tant de séparations douloureuses, la dernière est accomplie. Nous avons quitté Combraven. Nous avons dit adieu à ce cher foyer. J'ai sérieusement réfléchi à ce que vous me disiez mercredi avant de retourner en ville. J'en tombe tout à fait d'accord avec vous. Miss Garth est plus ébranlée qu'elle ne veut l'avouer par tout ce qu'il lui a fallu subir pour l'amour de nous. Et c'est mon devoir, à l'avenir, de lui épargner au sujet de ma sœur et de moi-même toutes les inquiétudes que je pourrais. C'est bien le moins que nous fassions pour notre meilleure amie, pour notre seconde mère. Dans tous les cas, je m'y emploierai de tout mon cœur. Mais permettez-moi de vous le dire, je suis aussi loin que jamais de m'entendre avec vous sur le compte de Magdalen. Dans la position où nous sommes, je comprends trop bien l'importance de votre aide. Je désire trop me rendre digne de l'intérêt que me porte le plus fidèle conseiller, le plus ancien ami de mon père, pour ne pas être réellement et sincèrement en désaccord avec moi-même quand mon avis diffère du vôtre, et cependant il en est ainsi. Magdalen est très singulière, très inexplicable pour ceux qui ne la connaissent pas intimement. Je crois comprendre que, sans le vouloir, elle vous a trompé en se montrant peut-être à vous sous son jour le moins favorable. Mais qu'il faille interpréter son langage et sa conduite de mercredi dernier par le sentiment que vous lui supposez contre l'homme qui nous a ruinés, voilà ce que je ne puis et ne veux pas croire de ma sœur. Si vous connaissiez, comme moi, cette noble nature, vous ne seriez pas étonné de me voir résister obstinément à votre opinion sur ce sujet. Veuillez être assez bon pour tâcher de la modifier. Peu m'importe ce que dit Mr. Clare, il ne croit à rien. J'attache, au contraire, une très sérieuse importance à ce que vous dites, et sachant quels motifs excellents vous font agir, je suis affligé de penser que vous êtes injuste à l'égard de Magdalen. Après avoir soulagé mon cœur par cet aveu, j'en puis venir maintenant au véritable objet de ma lettre. Je vous ai promis que si vous n'aviez pas le temps de venir nous voir aujourd'hui, je vous écrirai pour vous rendre compte de tout ce qui est survenu après votre départ. La journée s'est écoulée sans que nous vous ayons vu. J'ouvre donc mon écritoire pour remplir ma promesse. J'ai le regret de vous dire que trois de nos domestiques femmes, l'aide de cuisine, la fille de ménage et même notre propre femme de chambre, pour laquelle je puis vous assurer que nous avons eu les plus grandes bontés, se sont prévalues de ce que vous aviez soldé leur gage pour faire leur mal et partir dès que vous eûtes le dos tourné. Elles vinrent prendre congé de nous avec autant de cérémonie et aussi peu de cœur que si elles quittaient la maison dans des circonstances ordinaires. Malgré son mauvais caractère, notre cordon bleu s'est conduit tout différemment. Elle nous fit savoir par un tiers qu'elle resterait pour nous servir jusqu'au bout. Et Thomas, qui jamais n'a servi ailleurs que chez nous, nous parla de la constante indulgence que mon cher père avait eue pour lui, avec une reconnaissance si bien sentie. Il mit tant de persévérance à vouloir rester auprès de nous jusqu'à épuisement complet de ses petites économies, que Madeleine et moi, oubliant toute étiquette, nous lui serrâmes la main toutes deux. Le pauvre garçon sortit du salon tout en pleurs. Je lui souhaite bonne chance. J'espère qu'il trouvera la condition et les maîtres dont il est digne. Notre dernière soirée à Combraven, longue, calme et pendant laquelle nous entendions tomber la pluie au dehors, fut pour nous une pénible épreuve. Un temps d'hiver, j'imagine, eut moins pesé sur notre humeur. Les rideaux tirés, l'éclat des lampes, la société du feu nous fussent venus en aide. Dans ce grand château, nous n'étions plus que cinq, tout compté, après nous y être trouvés en si grand nombre. Je ne puis vous dire combien semblait triste le crépuscule gris vers 7 heures dans les chambres désertes et sur les escaliers muets. Bien certainement, le préjugé qui existe en faveur des longues soirées d'été doit être un préjugé à l'usage des gens heureux. Décidés à lutter de notre mieux, nous employâmes notre temps sous la direction de Miss Garth. La pensée des préparatifs de départ, qui pendant les heures précédentes nous avaient semblé si terribles, devint la soirée venue une pensée secourable qui nous offrait un refuge hors de nous-mêmes. Nous avions d'abord voulu faire nos malles séparément, dans nos chambres respectives, mais cet isolement s'est trouvé au-dessus de nos forces. Nous apportâmes donc tout ce qui nous appartient sur la grande table de la salle à manger, pour travailler ensemble, dans la même pièce, aux préparatifs nécessaires. Je puis vous assurer que tout ce que nous emportons est bien à nous. Puisque je vous ai déjà exprimé ma conviction que Magdalène n'était véritablement pas elle-même lorsque vous la vîtes mercredi dernier, je suis bien tenté de m'arrêter ici et de vous citer un incident qui vient à l'appui de mon assertion. La chose se passa mercredi soir, juste au moment où nous allions rentrer chacune dans notre chambre. Quand nous eûmes emballé nos toilettes, nos présents d'anniversaire, nos livres, notre musique, nous commençâmes le triage de nos lettres, qui s'étaient mêlées sur la table où nous les avions entassées. Quelques-unes des miennes étaient parmi celles de Magdalène, et parmi les miennes quelques-unes de celles qui lui appartiennent. Parmi ces dernières, je trouvais une carte remise à ma sœur au commencement de cette année par un ancien acteur, chargé de diriger la représentation d'une comédie de société où elle jouait un rôle. Cet homme lui avait donné la carte en question, renfermant son nom et son adresse, dans la pensée qu'invité à beaucoup d'autres amusements du même genre, elle voudrait bien le recommander comme metteur en scène. Je vous raconte ces insignifiants détails pour vous montrer à quel point, dans les circonstances où nous nous trouvons, conserver cette carte devait sembler inutile. Assez naturellement, je le jetai loin de moi sur la table, croyant qu'elle tomberait sur le parquet. Arrêtée dans sa chute, elle alla rouler près de l'endroit où Magdalène était assise. Ma sœur la prit, y jeta les yeux, et déclara tout aussitôt qu'elle n'eût pas voulu pour tout au monde voir détruire ce méchant morceau de carton. Elle se fâcha presque contre moi qui l'avais jeté de côté, et se fâcha presque contre Miss Garth, qui lui demandait à quoi Paris Bagatelle pouvait être bonne. Pourrais-je vous donner une preuve plus évidente que nos récents malheurs? Bien autrement cruelle pour elle que pour moi, l'ont tout à fait décomposée et mise à bout. À coup sûr, il ne faut pas interpréter d'une manière désavantageuse ses paroles et son apparence extérieure, quand elle n'est pas suffisamment maîtresse d'elle-même pour mettre en œuvre son bon sens naturel. Puisqu'elle montre une pétulance si déraisonnable et si puérile sur une question qui n'a pas la moindre importance. Un peu après le coup de 11 heures, nous remontâmes pour essayer de prendre quelque repos. J'écartai le rideau de ma croisée et je regardai au dehors. Oh, que cette dernière nuit était cruelle! Ni lune, ni étoile, une obscurité si profonde que lorsque mon regard chercha dans le jardin les chers objets auxquels il est habitué, aucun d'eux n'était visible. Un calme si profond que c'est tout au plus si je ne m'effrayais pas moi-même chaque fois que je remuais. Je voulus me coucher et dormir, mais le sentiment de ma solitude vint me dominer encore une fois. Vous me direz qu'à 26 ans, on doit avoir plus d'empire sur soi-même. Je ne sais pourtant pas comment cela se fit, mais je me glissai dans la chambre de Magdalène, justement comme cela m'arrivait jadis, il y a bien des années, quand toutes deux nous étions enfants. Elle n'était pas couchée. Elle était assise et réfléchissait devant son pupitre ouvert. Je lui dis que je voulais passer avec elle cette dernière nuit. Elle m'embrassa, me fit mettre au lit et me promit de m'y suivre quelques instants après. Un peu calmé, je ne tardais pas à m'endormir. À mon réveil, il faisait jour, et mon premier regard tomba sur Magdalène, toujours assise dans son fauteuil, toujours perdue dans ses réflexions. Elle ne s'était pas couchée, elle n'avait pas dormi de toute la nuit. « Je dormirai, me dit-elle, quand nous aurons quitté Combraven. Je me trouverai mieux quand tout sera dit, quand j'aurai fait mes adieux à Frank. » Elle tenait dans sa main le testament de notre père, ainsi que la lettre qu'il vous avait adressée en dernier lieu. Et quand elle eut cessé de parler, elle me remit l'un et l'autre document. À titre d'aîné, disait-elle, c'était à moi de conserver ces précieuses reliques. Je lui proposai de nous les partager, mais elle secoua la tête. « J'ai copié pour le garder, répondit-elle, tout ce qui nous concerne, et dans le testament, et dans la lettre. » Parlant ainsi, elle tira de son sein un tout petit sachet de soie blanc qu'elle avait cousu durant la nuit et dans lequel elle avait placé les extraits en question, de manière à les porter constamment sur elle. « Ceci, me dit-elle, c'est dans les termes mêmes qu'il employa. l'expression de ses dernières volontés en notre faveur, et c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'avenir. Il peut vous sembler bizarre que j'insiste de la sorte sur ces bagatelles, mais depuis que je sais à quelle date remontent vos relations avec mon père et ma mère, je me crois le droit de penser à vous, et je suppose de vous écrire, comme on pense, comme on écrit à un vieil ami. En outre, j'ai tellement à cœur de modifier votre opinion sur le compte de Magdalène que je ne puis m'empêcher d'entrer avec vous dans les plus minutieux détails qui peuvent, selon moi, vous faire penser d'elle ce que j'en pense moi-même. Lorsque vint l'heure du déjeuner, le jeudi matin, nous fûmes passablement étonnés de trouver sur la table la lettre d'un étranger. Peut-être dois-je vous parler de cette lettre pour le cas où votre intervention dans l'avenir deviendrait nécessaire. Elle était adressée à Miss Garth, écrite sur du papier de deuil largement encadré de noir. Et le signataire était le même homme qui, certains jours du printemps dernier, comme nous revenions d'une promenade, nous suivit jusqu'aux portes du château, le capitaine Reig. Son intention serait, paraît-il, d'affirmer une fois de plus son audacieuse prétention à une parenté quelconque avec ma pauvre mère, sous prétexte d'une lettre de condoléance qui, de sa part, eut une insolence bien caractérisée. Apprenant par les journaux dans quelle affliction nous sommes, il nous exprime la même sympathie que si nous eussions vécu avec lui dans les termes les plus intimes, et par un post-scriptum où se manifeste la plus complète ignorance de tout ce qui est survenu, il demande si l'on juge désirable qu'il assiste, avec les autres membres de la famille, à la lecture du testament. L'adresse où l'on devrait lui écrire d'ici à 15 jours est le bureau de poste de Birmingham. C'est tout ce que je puis vous dire à ce sujet. Cette lettre et celui qui l'a écrite me paraissent également indignes d'occuper plus longtemps notre attention. Après le déjeuner, Magdalène nous quitta et sortira seule dans le petit salon. Le temps était encore pluvieux. Nous avions réglé que Francis Clare la verrait dans cette pièce quand il se présenterait pour prendre congé. J'étais en haut quand il vint, et j'y restais encore plus d'une demi-heure, le cœur bien serré, vous pouvez le croire, en songeant à ma pauvre Magdalène. La demi-heure écoulée, et peut-être plus, je descendis. Comme j'arrivais au rez-de-chaussée, j'entendis tout à coup la voix de ma sœur s'élever, suppliante. Elle appelait Franck par son nom. Puis vinrent de bruyants sanglots. Puis un rire effrayant, mêlé de cris qui devaient traverser la maison d'un bout à l'autre. Je courus au salon, où je trouvai Magdalène renversée sur le sofa, en proie à de violentes convulsions, tandis que Franck, debout devant elle, la considérait d'un air effaré, mécontent, boudeur, tout en rongeant ses ongles. J'éprouvai un tel mouvement d'indignation, sans savoir au juste pourquoi, car j'ignorais naturellement ce qui s'était passé dans cet entretien, que je pris Mr. Francis Clare par les épaules et le poussai hors du salon. J'ai soin de vous dire exactement quelle fut ma conduite et comment elle fut motivée, parce que j'apprends qu'il est excessivement piqué contre moi, d'où je conclus qu'il répandra de tous côtés ses plaintes de ce qu'il appelle mon inconvenante violence à son égard. S'il venait à vous en parler, vous saurez au moins par mon propre aveu que je me regarde comme étant oublié, mais non sans quelque provocation. Du moins j'espère que vous en jugerez ainsi. Je le poussai dans le vestibule, laissant pour le moment Magdalène aux soins de Miss Garth. Au lieu de s'en aller, il s'assit, de plus en plus boudeur, sur un des fauteuils. « Puis-je savoir la raison de cette violence insolite ?» me demanda-t-il avec l'accent de la rancune. « Non, lui dis-je. Vous aurez la bonté de deviner cette raison et de nous quitter, s'il vous plaît, sans aucun retard. » Il restait obstinément sur son fauteuil, à ronger ses ongles et à réfléchir. « Qu'ai-je donc fait pour être traité avec tant de dureté ?» demanda-t-il après une pause. « Je n'ai pas à discuter avec vous, » répondis-je. « Je n'ai qu'à vous demander de nous laisser en paix. Si vous persistez à demeurer ici pour revoir ma sœur, j'irai moi-même trouver votre père pour lui demander appui. » À ces mots, il se leva précipitamment. « Dans tout ceci, dit-il, j'ai été traité d'une manière infâme. Toutes les peines, tous les sacrifices sont tombés à mon compte. Je suis le seul ici qui ait du cœur. Tous les autres, Magdalène y comprise, sont de vrais rochers. Tantôt elle prétend qu'elle m'aime, la minute d'après elle m'envoie en Chine. Qu'ai-je fait pour être traité avec une inconséquence, une insensibilité pareille? Moi, du moins, je sais ce que je veux. Je ne demande qu'à rester où je suis, tandis que vous vous liguez tous contre moi. » Ce fut en grommelant ainsi qu'il descendit le perron, et c'est ainsi que nous nous sommes séparés en dernier lieu. Voilà, fort exactement, ce qui s'est passé entre nous. S'il vous en rend compte d'autre façon, soyez sûr qu'il aura menti. Du reste, il n'a pas essayé de revenir. » Une heure plus tard, son père est arrivé seul pour nous dire adieu. Il nous vit, Miss Garth et moi, mais non pas Magdalene, et nous assura qu'il prendrait les mesures nécessaires, avec votre assistance, pour que son fils, surveillé de près à Londres, fût escorté convenablement jusqu'au navire sur lequel il doit s'embarquer, lorsque le moment sera venu. La visite fut courte et n'eut rien de gai, mais Stéclair lui-même était triste au fond, bien qu'il fît de grands efforts pour le cacher. Entre le moment où il nous quitta et celui où nous devions partir nous-mêmes, il restait à peine 2 heures. Je retournai auprès de Magdalene, que je trouvais plus calme et en meilleur état, bien que fort pâle, fort épuisée, et je me l'imagine du moins, en lutte avec des pensées intimes qu'elle ne pouvait prendre sur elle de nous communiquer. Elle ne m'apprit rien alors, elle ne m'a rien appris depuis, de ce qui s'était passé entre elle et Francis Clare. Si je venais à parler de lui avec quelque irritation, dans l'idée où je suis qu'il l'a tourmentée et rendue malheureuse alors qu'elle aurait dû recevoir de lui tous les encouragements, toutes les consolations que puisse donner un homme, elle refusait de m'écouter. Elle trouvait pour lui les plus indulgentes concessions, les plus tendres excuses, et rejetait absolument sur elle-même le blâme de cet état convulsif où je l'avais trouvée. Me trompais-je donc en vous disant que celle-là a une noble nature? Et quand vous aurez lu ces lignes, votre opinion sur elle n'en sera-t-elle pas modifiée? Nous n'attendions point d'amis qui dussent venir nous dire adieu, et nos connaissances, en bien petit nombre, résident trop loin, ou peut-être nous portent trop peu d'intérêt pour s'être occupés de notre départ. Nous pûmes donc employer le peu de loisir qui nous restait à parcourir ensemble le château pour le revoir en détail une dernière fois. Nous prîmes ainsi congé de notre vieux cabinet d'études, de nos chambres à coucher, de la pièce où notre mère est morte, du petit réduit où notre père se réfugiait pour faire ses comptes et sa correspondance, animés dans notre isolement des mêmes sentiments que d'autres jeunes filles eussent éprouvés en quittant de vieux amis. Puis nous sortîmes de la maison pour aller dans le jardin cueillir notre dernier bouquet, nous promettant de faire sécher les fleurs quand elles commenceraient à se faner, et de les conserver en souvenir des heureux jours qui ne sont plus. Nos adieux faits au jardin, il restait encore une demi-heure. Nous nous rendîmes ensemble au tombeau. Nous nous agenouillâmes en silence pour baiser le sol sacré. Je crus que mon cœur allait se briser. C'est en août que revenait l'anniversaire de la naissance de ma mère. Et à la même époque, il y a 1 an, mon père, Magdalene et moi, étions réunis en secrète conférence pour savoir quelle surprise nous le ferions le jour de sa fête. Si vous aviez vu combien souffrait Magdalene, vous cesseriez pour jamais de douter d'elle. J'eus à l'arracher, presque par force, de cet asile où reposent notre père et notre mère. Avant que nous fussions hors du cimetière, elle m'échappa et revint en courant près d'eux. Elle tomba sur ses genoux, détacha de cette terre par un geste passionné une poignée de gazon, et au même moment, elle s'adressa à quelques paroles que je n'entendis pas, étant encore trop loin, bien que je l'eusse suivie à l'instant même. Quand j'essayai de la soulever de terre, elle se retourna vers moi par un mouvement si insensé, elle me jeta un regard où se peignait une si effrayante déraison, que je me sentis véritablement effrayé. Par bonheur pour moi, ce paroxysme la quitta aussi brusquement qu'il s'était emparé d'elle. Elle mit dans son corsage la petite touffe d'herbe qu'elle avait arrachée sur la tombe, prit mon bras et m'entraîna hors du cimetière. Je voulus savoir pourquoi elle était retournée. Je lui demandai quelles paroles elle avait prononcées sur le tombeau. « C'est une promesse à mon père qui n'est plus, » répondit-elle avec un retour momentané de ce regard sauvage et de ce geste insensé qui déjà m'avait fait frémir. Je craignais de l'agiter en insistant. Je remis à un temps plus opportun et plus tranquille les autres questions que j'avais à lui faire. Vous comprendrez d'après ceci combien elle souffre et à quelles actions désordonnées et étranges elle peut être poussée par la violence de son agitation. Dès lors, vous n'interpréterez pas sans désavantage ce que vous lui avez entendu dire, ce que vous lui avez vu faire mercredi dernier. » De retour à la maison, nous n'eûmes que le temps de partir bien vite pour la station. Peut-être cela valait-il mieux, mieux que si nous avions eu assez de loisirs pour regarder derrière nous avant que le détour de la route ne nous eût à jamais caché Cambraven. Au chemin de fer, personne que nous connussions, personne qui nous regarda ou nous dit adieu. Comme nous prenions place dans le train, la pluie se remit à tomber de plus belle. Je ne puis, je n'ose vous dire ce que nous avons éprouvé en voyant ce fatal railway et quels horribles souvenirs se réveillaient en nous de ce malheur qui nous a fait orphelines. J'ai mis tous mes soins à ne pas écrire cette lettre de manière à vous attrister. Ce serait mal reconnaître toutes vos bontés pour nous. Peut-être ai-je insisté trop longuement sur les incidents de la journée où nous avons quitté notre chair intérieure. Je n'ai d'autre excuse, si ce n'est que mon cœur en est encore tout rempli, et ma plume ne sait écrire que sous la dictée de mon cœur. Il y a trop peu de temps que nous sommes dans notre nouvelle résidence pour que j'aie grand-chose à vous en dire, si ce n'est que la sœur de Miss Garth nous a reçus avec la plus cordiale bienveillance. Elle nous laisse à nous-mêmes, jusqu'à ce que nous soyons plus en état de songer à nos plans d'avenir et de nous arranger le mieux possible pour nous suffire. La maison est si vaste, et on a choisi nos chambres avec tant de soin, que je me douterai à peine, si ce n'est quand j'entends les jeunes filles rire et jouer dans le jardin, de l'espèce de résidence où nous vivons. Croyez-moi, cher monsieur Pendril, votre bien reconnaissante Nora Vanstone. P.S. Miss Garth et ma sœur vous offrent leurs vœux les meilleurs et les plus affectionnés. Intermède deuxième. Miss Garth à Mr. Pendril. Westmoreland House, Kensington, le 23 septembre 1846. Mon cher monsieur, je trace ces lignes dans une angoisse d'esprit que nulle parole ne saurait décrire. Magdalene nous a quittés. De fort bonne heure, ce matin, elle s'est échappée en secret de la maison et depuis lors, nous n'avons pas entendu parler d'elle. J'aurais voulu vous aller entretenir en personne, mais je n'ose quitter Nora. Il faut donc tâcher de prendre sur moi et de vous écrire. Rien n'est arrivé dans la journée d'hier qui dût m'avertir ou avertir Nora de cette dernière affliction qui peut être la pire de toutes. Le seul changement noté par nous dans cette infortunée jeune fille fut un changement qui semblait favorable. Quand nous nous séparâmes pour la nuit, elle m'embrassa, ce qu'elle ne faisait plus depuis quelque temps. Et lorsqu'ensuite elle tomba dans les bras de sa sœur, ce fut avec une explosion de larmes. Nous soupçonnions si peu la vérité que nous regardâmes comme une promesse d'amélioration future ces signes d'attendrissement nouveaux pour nous. Ce matin, peu après 8 heures, lorsque sa sœur est montée dans sa chambre, elle n'y a trouvé personne, et un billet de la main de Magdalene, adressé à Nora, était posé sur la table de toilette. Je ne puis obtenir de Nora qu'elle se sépare de ce billet, et j'en suis réduite à vous envoyer la copie que vous trouverez ci incluse. Vous verrez qu'il ne donne aucune indication qui soit de nature à nous mettre sur les traces de la fugitive. Sachant ce que valent les minutes dans des moments aussi critiques, j'examinai sa chambre et, de concert avec ma sœur, j'interrogeai les domestiques aussitôt que m'arriva la nouvelle de ce départ. La garde-robe de Magdalene était vide, et toutes ses malles, excepté une qu'elle a bien certainement portée avec elle, sont vides également. Nous sommes d'avis qu'elle a trouvé moyen de se procurer de l'argent, sans qu'on s'en doutât, en se défaisant de sa toilette et de ses bijoux. Qu'elle était parvenue à faire sortir, dès hier, l'unique malle qui l'accompagne, et qu'elle est partie ce matin sans faire appeler une voiture. Les réponses d'une des domestiques sont tellement peu satisfaisantes que cette femme nous paraît avoir été gagnée pour aider Magdalene en son évasion. C'est elle, fort probablement, qui aura fait tous ceux des préparatifs auxquels Magdalene n'aurait pu se livrer elle-même sans risquer de compromettre son secret. Je n'ai aucun doute quant à l'objet immédiat de sa fuite. De fortes raisons, que je vous expliquerai dans une occasion plus favorable, me donnent la certitude qu'elle s'est enfuie avec le projet de tenter fortune au théâtre. Elle a dans les mains l'adresse d'un comédien de profession, qui, naguère, à Clifton, présidait une représentation dramatique où elle avait un rôle. C'est à lui qu'elle a dû aller demander assistance. Je sais que l'acteur en question se nomme Huxtable. Quant à l'adresse elle-même, Je ne me la rappelle pas tout à fait aussi exactement, mais je suis presque sûr que c'était quelque agence dramatique dans Bow Street, Covent Garden. Laissez-moi vous supplier de ne pas perdre une minute pour faire les recherches voulues. C'est à cette adresse, j'en suis convaincu, qu'on trouvera les premiers indices des projets de notre fugitive. Si nous n'avions rien de pire à craindre que de la voir s'essayer à monter sur les planches, je ne serais pas aussi affligé, aussi accablé, aussi hors de moi. Cent autres jeunes filles ont agi aussi étourdiment et après tout n'en ont pas fini plus mal. Mais nous avons autre chose à redouter pour Magdalene que le danger auquel elle s'expose maintenant. Depuis que nous avons quitté Combraven, une mystérieuse préoccupation n'a pas cessé de peser sur elle, surtout pendant les 6 dernières semaines. Jusqu'au moment où Francis Clare quitta l'Angleterre, je suis persuadé qu'elle se sentait soutenue par la vague espérance qu'il s'arrangerait de manière à la retrouver encore. Du jour où elle vit le succès complet des mesures que vous aviez prises pour empêcher qu'il en fût ainsi, du jour où elle était certaine que le vaisseau l'avait réellement emmenée, rien n'a pu la ranimer. Elle n'a plus pris intérêt à rien. Elle s'est abandonnée de plus en plus aux pensées désespérées qui la minent, pensées que je crois entrer dans son esprit le jour où lui a été connue la ruine absolue des perspectives pécuniaires de son père. Et la carrière dramatique qu'elle est allée tenter n'est à ses yeux qu'un moyen de secouer toute espèce de joug domestique et de courir à son aise tous les hasards auxquels elle se livre aveuglément, sans avoir à craindre le contrôle de ses proches. Je vous laisse à imaginer ce qu'il m'en coûte de vous écrire en ces termes sur son compte. Le temps est passé cependant, où pouvait peser sur moi, de quelque façon, l'idée de ménager ma propre sensibilité. Tout ce que je puis dire de nature à ouvrir vos yeux sur le danger réel et à vous convaincre qu'il faut tout faire pour le conjurer à l'instant même, je le dis malgré moi, sans hésitation et sans réserve. Un mot encore. La dernière fois que vous avez eu la bonté de venir nous voir ici, vous rappelez-vous l'embarras et le chagrin que nous causa Magdalene en vous questionnant sur le droit qu'elle peut avoir de porter le nom de son père? Vous rappelez-vous son interrogatoire persistant jusqu'à ce qu'elle vous eût forcé de reconnaître que, légalement parlant, elle et sa sœur étaient sans nom? Je me hasarde de vous rappeler ceci parce que vous avez à vous occuper de bien des affaires, de bien des clients, et que vous pourriez avoir oublié cette circonstance. Si grande qu'eussent été sans cela ces répugnances naturelles à nous tromper et à se dégrader elles-mêmes par l'usage d'un nom supposé, cette conversation avec vous a nécessairement dû les faire disparaître. Nous devons donc chercher à la découvrir d'après son signalement personnel. Nous n'avons aucune autre chance de retrouver ses traces. Je ne vois rien de plus qui, dans cette déplorable occurrence, puisse éclairer votre décision. Pour l'amour de Dieu, n'épargnez ni dépenses ni activités. Je vous envoie ma lettre par un commissionnaire. Elle doit vous arriver ce matin à 10 heures au plus tard. Un mot de réponse pour m'assurer que vous agirez à l'instant même et de votre mieux. Je ne pourrai calmer Nora qu'en lui montrant un mot d'encouragement écrit de votre main. Croyez, cher monsieur, votre sincèrement reconnaissante Harriet Garth. Intermède 3e. Magdalene à Nora, incluse dans la lettre précédente. Ma chérie, faites effort et pardonnez-moi. J'ai lutté contre moi-même jusqu'à complet épuisement. Je suis la plus malheureuse des créatures d'ici-bas. La vie tranquille que nous menons ici me rend folle. Je ne puis m'y faire plus longtemps. Il faut que je parte. Si vous saviez ce que sont mes pensées, si vous saviez quelle énergie j'ai lutté contre elles, et avec quelle persistance horrible elles n'ont cessé de me hanter dans le calme isolement de ce séjour, vous n'auriez pour moi que pitié, larmes et pardon. Oh, ma sœur aimée, ne m'en veuillez pas de ne vous avoir point ouvert mon cœur ainsi que je le devais. Je ne l'osais vraiment pas. Je n'ose pas me montrer à vous tel que je suis. Je vous le demande en grâce, ne me faites pas chercher. N'envoyez personne après moi. J'écrirai de temps en temps pour vous tirer d'inquiétude. Vous savez, Nora, que nous avons notre vie à gagner. Je ne suis parti que pour gagner la mienne de la façon qui me convient le mieux. Que je réussisse ou que j'échoue, l'entreprise ne peut me nuire. Je n'ai pas de position à perdre, pas de nom à dégrader. Ne mettez jamais en doute la tendresse que je vous porte. empêcher Miss Garth de mettre en doute ma reconnaissance. J'emporte un regret profond en vous quittant. Il n'en faut pas moins que je parte. Si je vous aimais moins, peut-être aurais-je eu le courage de vous dire tout ceci face à face. Mais comment me fier à moi pour résister à vos persuasions et supporter la vue de votre chagrin? Adieu donc, ma sœur aimée. Acceptez 1000 baisers de moi, vous, ma meilleure, ma plus chère affection, en attendant l'heure où il nous sera donné de nous revoir. Magdalene. Intermède 4e. Le sergent Bulmer, de la police secrète, à Mr. Pendrill. Scotland Yard, le 29 septembre 1846. Monsieur, je suis informé par votre clerc que les personnes intéressées dans nos recherches au sujet de la jeune personne disparue désirent savoir où nous en sommes. Je me suis rendu aujourd'hui même à votre bureau pour vous en parler. Ne vous ayant pas rencontré et ne pouvant demain renouveler ma visite, j'écris ces lignes pour ne mettre aucun retard à vous expliquer où en est l'affaire. Je suis fâché d'avoir à vous apprendre que depuis mon premier rapport, nous n'avons pas fait grand progrès. La trace que nous découvrîmes il y a près de 8 jours est encore la dernière que nous ayons de la jeune personne sudite. Envisagée de loin, il semble que la chose soit fort simple. Examinée de près, elle empire, au contraire, considérablement, et devient ce qu'on peut exactement appeler un vrai problème. Voici la situation présente. Nous avons suivi la jeune dame jusque chez l'agent dramatique de Bow Street. Nous savons qu'à une heure peu avancée dans la matinée du 23, cet agent fut invité à descendre, tandis qu'il s'habillait, pour parler à une jeune dame qui l'attendait dans un fiacre arrêté devant sa porte. Nous savons que la carte de Mr. Huxtable ayant été montrée à cet agent, il écrivit l'adresse actuelle de Mr. Huxtable et qu'il entendit la jeune dame enjoindre au cocher de la conduire à la gare du chemin de fer. Nous croyons qu'elle est partie par le train de 9 heures. Nous la suivîmes par le train de midi. Nous nous sommes assurés qu'elle s'est présentée vers 2h30 au logement de Mr. Huxtable. Il était sorti, et on ne l'attendait, lui attendit, que dans la soirée vers 8 heures. Nous savons enfin qu'elle n'est pas revenue. Mr. Huxtable affirme que, de toute cette journée, ils ne se sont pas vus un instant, la jeune dame et lui. De là, une première question, qu'est celle-ci? Devons-nous croire, Mr. Huxtable? J'ai pris avec soin toutes les informations possibles sur son caractère, et je sais de lui tout ce qu'il peut savoir lui-même, peut-être un peu plus. Or, mon opinion est que nous devons le croire. Pour autant que j'en sache, c'est un parfait honnête homme. Voilà donc où l'affaire s'embrouille. La jeune dame quitte Londres dans un but nettement défini. Au lieu d'y marcher tout droit, elle s'arrête au moment où elle est sur le point de l'atteindre. Pourquoi s'est-elle arrêtée? Où s'est-elle arrêtée? Voilà précisément les questions auxquelles nous ne pouvons répondre encore. Mon opinion à ce sujet peut se résumer ainsi. Je ne crois pas qu'elle ait éprouvé aucun accident grave. Ces sortes d'accidents, 9 fois sur 10, se révèlent d'eux-mêmes. Ma supposition à moi, c'est qu'elle a dû tomber entre les mains d'une personne ou de plusieurs, intéressée à lui fournir un abri secret, et assez fine pour savoir nous la dérober. Si c'est avec ou sans son consentement qu'elle se trouve ainsi sous leur direction, c'est ce que je ne saurais deviner pour le moment. Je ne veux ni faire naître de fausses espérances, ni donner de fausses craintes. Aussi m'arrêterai-je à l'opinion que je viens d'exprimer. Pour ce qui regarde nos démarches ultérieures, je puis vous dire que j'ai laissé un de mes gens en communication quotidienne avec les autorités de la ville. J'ai pris également soin de mettre en circulation dans un rayon plus étendu les affiches à la main qui offrent une récompense à quiconque fera découvrir la fugitive. Enfin, j'ai complété mes précautions en prenant les arrangements nécessaires pour que toutes les affiches des théâtres de province passent sous mes yeux, et pour faire étudier de près le personnel des troupes qui les desservent. Il y a quelques années, tout ceci aurait coûté beaucoup de soins et beaucoup d'argent. Fort heureusement pour nous, les théâtres de province sont actuellement en fort mauvaise condition. À l'exception des grandes villes, presque aucun d'eux n'est ouvert et nous pouvons y avoir l'œil à peu de frais sans nous donner trop de peine. Telles sont les mesures que je crois nécessaires d'adopter quant à présent. Si vous êtes d'un autre avis, veuillez me le faire savoir et je me conformerai soigneusement à vos indications. Je ne désespère en aucune façon de retrouver la jeune personne et de la remettre saine et sauve aux mains de ceux qui s'intéressent à elle. veuillez le leur dire, et permettez-moi de signer, votre respectueux serviteur, Abraham Balmaur. Intermède 5e, lettre anonyme adressée à Mr. Pendrell. Monsieur, un mot suffit au sage. Les amis de certaines jeunes personnes perdent inutilement leur temps et leur argent. Le clerc que vous avez mis dans votre confidence et votre agent de la police secrète cherchent une aiguille dans une botte de foin. Nous voici au 9 octobre et ils ne l'ont pas encore trouvée. Ils trouveraient aussi bien le passage du Nord-Ouest. Rappelez votre meute. Peut-être alors aurez-vous de la main même de la jeune dame la preuve qu'elle est en parfaite sûreté. Plus vous la chercherez, plus longtemps elle restera ce qu'elle est à présent, perdue pour vous. » Au dos de la lettre précédente, on lit ces mots de la main de Mr. Pendrell. Nul moyen de remonter à la source de cette lettre. Timbre, Charing Cross. Celui du papetier, à l'intérieur de l'enveloppe, a été soigneusement élagué. L'écriture, probablement celle d'un homme, est contrefaite. Notre correspondant anonyme, quel qu'il soit, a des informations sûres. On n'a pas encore pu découvrir la moindre trace de Miss Vanstone.